deuxième temps de notre semaine dans la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire des camps à l'occasion du 70e anniversaire de la libération des camps d'Auschwitz-Birkenau. Pour ce documentaire du mardi, Anaïs Quien et Françoise Camard ont choisi de retourner au Struthof, un camp de concentration, le camp de concentration de Nalsweiler Struthof, donc installé par le Reich en mai 1941 sur le territoire de l'Alsace annexé. Un camp qui aura des conditions climatiques et disciplinaires tellement dures qu'ils vont en faire un des camps les plus meurtriers du système concentrationnaire nazi. Donc ça n'était pas un camp d'extermination, mais un camp de concentration. Et trois personnes vont témoigner, vont raconter l'histoire de ce camp dans ce documentaire de ce matin. Pierre Rollinet, ancien déporté, Frédéric Naudufour, qui est directrice du Centre européen du résistant déporté, et Robert Stegmann, historien. Grüner, Luger, Schüppel, Gedecke, Röhn, Wagner, Semar. Toute l'Alsace le sait, Wagner et ses complices, criminels et nazis, étaient au service de la monstrueuse machine mise en marche par le national-socialisme. Retour au Struthof. Alors là, on est dans le point le plus bas du camp et de manière symbolique, c'est aussi là où les nazis considéraient que leurs déportés arrivaient au terme ultime de leur déchéance. Ils avaient dégringolé déjà de l'échelle humaine pour devenir des sortes de sous-hommes ou de choses, de stuck. Et là, c'est l'endroit, cette fosse, où étaient déversés tous les restes des cendres et des ossements du crématoire. C'est donc un endroit de rebut pour les nazis. Évidemment, pour nous, c'est un lieu d'hommage, c'est totalement différent. Et c'est à tel point un lieu de rebut que c'est également l'endroit où arrivaient les différentes fosses septiques. C'est les égouts. Les égouts du camp arrivaient au même endroit. Les égouts du camp arrivaient là. Donc après la guerre, et même dès 1945, c'est un endroit qui devient une sorte de sanctuaire. La croix est érigée dès 1945, il y a une croix blanche en bois. Et puis ces inscriptions « Honneur et patrie », qui sont les inscriptions de la résistance, et en dessous, en latin, « ossa humiliata », qui veut dire donc les ossements humiliés. Le mur qui supporte la croix est devenu au fil du temps une sorte de mur de mémoire sur lequel chaque groupe mémoriel a tenu à inscrire sa marque, ce qui donne un ensemble pour le moins hétéroclite, qui n'est pas complet parce qu'on a des groupes de résistants qui en sont totalement absents, notamment des nationalités, parce que là, on a une plaque pour les Néerlandais, une plaque pour les Russes, pour les Polonais, je crois, mais on a beaucoup d'autres nationalités, parmi les 32 qui étaient là, qui ne sont pas représentées. De la même façon, hein, on a les ressortissants du Commonwealth, les résistants espagnols, les Juifs qui ont été exécutés ici, les déportés homosexuels, c'est la dernière plaque qui a été installée chronologiquement. Oui, moi, je sais bien que si ça avait tenu, je ne sais pas, à quelques-uns de nos camarades, on n'aurait jamais mis de plaque. Parce que ce sont les déportés, il ne doit pas y avoir de distinction. Il n'aurait pas fallu en mettre aucune. Situé à 60 km de Strasbourg, le camp de Natzweiler-Struthof était la tête de pont d'un réseau de concentration constitué de plusieurs dizaines de camps distribués de part et d'autre du Rhin. Sur les 52 000 déportés internés dans cette nébuleuse de camps entre 1941 et 1944, 22 000 y ont trouvé la mort. Le 1er mai 1941, l'administration nazie ouvre le KL Natzweiler-Struthof, le seul camp de concentration situé sur le territoire français alors annexé, pour exploiter une carrière de grès rose destinée à construire le Berlin dont Hitler avait rêvé. Du camp central Nadweiler-Struthof, avec ses 17 blocs et ses 8 miradors, il ne reste aujourd'hui que 4 baraques. Un musée du résistant déporté y a été construit pour accompagner la visite des touristes et des écoliers. Nous sommes à 8 km de la gare de Rotto, par laquelle arrivaient tous les déportés. Retour au Struthof, en compagnie de Frédéric Naud-Dufour, directrice du Centre européen du résistant déporté, et de Pierre Rollinet, ancien déporté. Voilà plein de jeunes qui sont, ils sont très impressionnés parce que je leur ai dit qui vous étiez. Alors ils sont. Il a l'air en forme et tout ça. On penserait pas qu'il était. Mettons que je suis une exception. Hein. Ouais. Vous pouvez peut-être leur dire quel âge vous aviez quand vous avez été arrêté. Moi j'avais 20 ans. Des faux papiers qui avaient 17 ans, mais j'avais 20 ans. C'est la résistance qui m'avait mis sous un faux nom avec des papiers. Il y a de la chance ou pas de chance, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Mais alors, au premier interrogatoire, quand je suis arrivé avec ma fausse carte d'identité, l'interprète qui était au milieu des Allemands, un interprète que je connaissais, il a tout de suite vu que j'avais une fausse carte. Autrement, j'aurais fait, comme beaucoup de mes camarades, toute ma déportation sous un faux nom. Mais donc il vous a dénoncé ? Et en me voyant arriver, il lève les bras en m'appelant par mon nom. « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Moi, j'avais fait un faux départ pour l'Allemagne. J'aurais dû partir en Allemagne au titre du STO. J'ai fait un faux départ pour que mes parents et la famille ne soient pas arrêtés ou quelque chose. On disait, il y aura des répercussions si vous ne partez pas. J'ai fait le faux départ. Alors lui, qui me connaissait bien, qui travaillait à la commandanture, il avait vu que j'étais en Allemagne. Pour tout le monde, j'étais en Allemagne. Bon, ça serait maintenant. Je réagirais plus pareil, mais on était jeunes à ce moment-là. Et on n'était pas formés quand même pour résister comme on aurait dû. J'aurais dû tenir et dire non, c'est pas moi, mais j'ai été tellement surpris. Comment vous avez été arrêté ? J'étais dans la résistance, et là, j'ai vu mon responsable de résistance, et on a monté avec lui comment il faudrait faire pour que mes parents ne soient pas gênés et que moi, je ne parte pas. Donc, je me suis présenté pour partir. Donc, le lendemain matin, je suis allé à la gare, j'ai fait tous les papiers, j'ai signé mon contrat, enfin, tout ce qu'il fallait faire. Vous étiez dans quel mouvement de résistance ? OCM, Organisation civile et militaire, oui. À ce moment-là, lorsque le train arrivait, tous les soldats qui étaient là, eux, attendaient le train. Puis moi, je suis sorti, j'avais mon vélo dehors, et puis je suis parti. Je suis allé chez mon responsable de résistance, qui a déchiré ma carte, qui m'a fait une fausse carte d'identité, et il m'a envoyé comme surveillant dans un collège protestant. Chez nous, il y a pas mal de protestants. Il m'a envoyé là comme surveillant. Puis je suis arrivé là comme surveillant, et j'avais, avec un des professeurs que je connaissais déjà d'ailleurs, ordre de monter un groupe de résistants. Alors, avec les élèves qui passaient leur bac, les élèves les plus âgés. Alors, c'est ce qu'on a fait. Bon, et ça, c'était au mois de mars 1943. Et au mois de novembre, on nous prévient qu'il y a des armes qui sont arrivées. C'était les premières mitraillettes Sten qui arrivaient dans la région, donc anglaises, et qu'il fallait qu'on aille en chercher pour apprendre à s'en servir, notre groupe. On a envoyé deux élèves, moi je ne pouvais pas aller, parce que pour tout le monde, dans le secteur où c'était, tout le monde croyait que j'étais en Allemagne, personne ne savait où j'étais là. Alors, on a envoyé deux élèves, et les élèves ont été arrêtés par une patrouille, avec, dans la valise, mitraillette et puis des grenades en montant. Et là, ça s'est mal terminé pour nous, parce qu'on a tous été arrêtés. Voilà. Et on est arrivés ici, 8, donc condamnés à mort, non exécutés. Les Allemands ont décidé de nous envoyer ici pour disparaître, comme Nacht und Nebel, comme nuit et brouillard, pour disparaître. Voilà. Et vous êtes arrivés ici à quel moment ? Au mois d'avril. Avril 44, arrêté avec le directeur 8, nous sommes rentrés que 3. Dass wir als ein hohes und gütiges nehmen wollen, dass heute am 21. März der Reichstag eröffnet wird. jusqu'au milieu de l'année 1942, tout détenu qui vient ici vient obligatoirement d'un autre camp de concentration. Robert Stegmann, historien du Struthof. C'est un concentrationnaire qui est sorti d'un camp qui était déjà en place et qui avait déjà, pour certains, pas mal d'années de concentration derrière eux. Et on le trouve plus utile dans ce camp du Struthof. On les place ici parce que ça permet de positionner des structures. Voilà, ça permet de mettre les choses en place. À partir de la fin 1942, le camp est désormais ouvert. Donc il peut recevoir, parce que tout est en place, l'administration est là, les cadres sont là, la première année de fonctionnement a été satisfaisante. Et à partir de ce moment-là, on peut faire entrer des détenus pour lesquels c'est la première expérience concentrationnaire. C'est toujours plus difficile. Et on est moins sûr d'eux. Et en même temps, ça ouvre un tout petit peu également sur les différentes nationalités qui vont venir. Donc, il y a une première rupture dans l'histoire de Natzweiler, c'est fin 1942. Ensuite, une deuxième rupture dans l'histoire de Natzweiler, c'est 1943, qui est une année cruciale et qui est liée principalement à un homme qui va jouer un rôle considérable, c'est Joseph Kramer, le commandant du camp. Il est dans l'administration concentrationnaire et dans les camps depuis le tout début, c'est-à-dire depuis 1933. Il a fait carrière là-dedans. Kramer, qui était adjoint de commandant, devient fin 1942 commandant du camp. Et Kramer, qui est un parfait commandant, il connaît son boulot par cœur, il fait un travail. Son métier, c'est d'être commandant de camp, sans état d'âme, sans scrupules. Il fait son boulot. Bien. Et son boulot, c'est effectivement de faire régner l'ordre dans un camp et de développer. C'est presque un chef d'entreprise. Il est aussi là pour développer la structure et pour l'amener à se renouveler. Donc on va augmenter le nombre des détenus. On arrive à plus de 4000 en 1943. On est déjà en surpopulation. Ce n'est pas un problème. Pour le camp lui-même, il y a plusieurs changements en 1943. Donc le premier changement, c'est l'arrivée des premiers détenus classés NN, c'est-à-dire nuit et brouillard, qui est cette catégorie de détenus bien particuliers qui a été développée, mise en place avec le décret Nacht und Nebel, qui a été pris par Keitel dès 1941 et qui ensuite s'est développé. Cette mesure a été prise par Keitel, qui était le haut dirigeant de l'armée allemande, pour l'ouest de l'Europe. À partir de 1941 et l'entrée en guerre contre l'Union soviétique, on voit monter effectivement, et ça devient une gêne de plus en plus importante pour les occupants allemands, la montée de la résistance. Donc Keitel décide de mettre en place et de développer ce décret Nacht und Nebel qui permettait d'éviter le gros problème que les nazis avec les résistants. Et on s'est vite rendu compte finalement que toutes les personnes qui étaient jugées et condamnées, ça avait un effet négatif. Ça les transformait en martyrs de la résistance. Donc on a trouvé la solution. Keitel trouve la solution. On les met dans une catégorie à part qui s'appellera les nuits et brouillards. Ils sont destinés à disparaître dans la nuit et dans le brouillard. Et à partir de ce moment-là, on peut les envoyer dans le système concentrationnaire. Et à partir de ce moment-là, personne ne doit savoir où ils sont. Ils n'ont aucun contact avec l'extérieur. À la limite même, on essaie d'éviter le contact avec les autres concentrationnaires. Ils sont visibles dans l'univers même d'un camp. Ils sont marqués. Ils sont marqués. Bon, Pierre Rollinet, par exemple, était, lui, classé NN. Donc, il avait les deux lettres N et N sur son costume de détenu. Donc, ils entrent dans le système concentrationnaire à partir de 1942 et à partir de 1943, et ça se confirme en 1944, les nazis souhaitent faire de Natzweiler le lieu de la concentration NN. Alors, c'est une concentration particulière, très très très dure. On s'est déchaîné contre ces hommes. Dites-nous comment c'était à l'époque ici, là. Tout ce chemin, qu'est-ce qu'il y avait ? C'était de la terre battue, déjà. Hein. J'ai beaucoup travaillé, donc, moi, lorsqu'on est arrivé, c'était le problème des Nains de construire ce bâtiment, donc la cave à pommes de terre, hein, le Kartoffel Keller, et tout ceci, donc il a fallu creuser sur 4 mètres de profondeur, 10 mètres de large, 100 mètres de long, ça fait beaucoup de mètres cubes de gravats et du rocher. Tout se faisait à la main, à la brouette ou alors les wagonnets. Il y avait des wagonnets, c'était assez difficile, c'est là que j'ai travaillé au début. Il y en a qui chargeaient les wagonnets, puis il fallait les vider donc, au bord pour faire cette terrasse. Et ça a été une période moi, extrêmement difficile en tout cas. Et la plupart de mes camarades, lorsqu'on a travaillé ici, en 5 semaines, oui, 4 semaines et demie, j'ai attrapé la diphtérie et j'étais extrêmement faible, extrêmement fatigant. Et je suis resté quand même un mois et demi au rivière. Et ça veut dire qu'en 6 semaines, pratiquement, j'avais perdu 25 kilos. En sortant du rivière, on est quelques-uns en être sortis. Je pesais donc 37 kilos pour 1m80. Alors, vous voyez bien, hein, ouais. Ouais. Qu'est-ce que c'est, le rivière? Le rivière, c'est l'infirmerie. Alors, on en était à se dire si seulement on avait été fusillé. En tout cas, moi, dans mon esprit, je m'étais engagé. Je savais qu'en m'engageant, je prenais des risques. Dans la résistance? Dans la résistance, oui. Alors, je savais que je prenais des risques. Bon, je prenais des risques, j'ai perdu, puisqu'on a été arrêté, transporter des armes, on a été arrêté. Bon, on est condamné à mort, mais on ne nous exécute pas. Si on nous avait exécuté, je ne veux pas dire que je l'aurais admis, c'est dur d'admettre à 20 ans, quand on vous dit, ben, vous serez fusillé. Mais on serait parti un peu comme des martyrs, comme des héros. Ça aide. Et on serait parti, on aurait été tous ensemble. Là, on aurait chanté la Marseillaise. Enfin, vous voyez, on serait parti. Et ça, je ne cache pas que ben, je l'avais admis. Mais se voir dans les conditions qu'on allait devenir, en l'espace de peu de temps, ça, moi, je n'ai jamais pu l'admettre. Alors, non seulement... on est éliminé, mais on crève, je m'excuse du terme, mais on crève comme des bêtes. Le portail de ce camp que l'on voit là, extrêmement terrible, avec la fiche blanche « Konzentrationslager Natzweiler Struthof », ce portail effroyable est complètement faux. Frédéric Naudufou. Puisqu'il est le fruit d'une production cinématographique américaine de l'après-guerre. C'est le film qui s'appelle Le bal des maudits, qui a été tourné ici. Un film avec Marlon Brando, qui est donc venu au Struthof à cette occasion. Et les Américains, soucieux toujours de créer une ambiance plus réelle que la réalité, ont enlevé le portail original. Aujourd'hui, ce serait totalement inenvisageable de procéder comme ça. Et à la place, ils ont construit cette chose complètement imaginaire, mais qui est restée en place. Oui, mais c'était quand même l'entrée où on rentrait, où on sortait tous les jours. Pour aller au travail, on passait la porte, on était contrôlé. On rentre tous par 5, contrôlés à cet endroit-là. Oui. Voilà. Oui. Vous nous faites entrer ? Oui, oui. Le matin, levé 4h30, 5h, ça dépend de la saison. Il faut faire son lit. Son lit, c'est une couverture et puis une paillasse. Et les lits, c'est des chalits de 80 cm de large. Et pratiquement, on a toujours été 2 par lit. Pierre Rollinet. On a même été 3 à un moment donné, où on se couchait 2 dans le sens à l'extérieur, puis 1 au milieu, dans 80 cm. Et je ne me rappelle pas, moi, avoir, tout le temps que j'étais en camp, avoir pu coucher au dos. Et on part à la place d'appel. Alors, à la place d'appel, on est tous alignés par 5. Et ça, c'est fait par le chef de baraque. Et on reste sur la place d'appel au garde à vous. Il fallait trouver sur la place d'appel le même nombre de déportés que le soir. C'est-à-dire que les décédés de la nuit devaient être sur la place d'appel pour être comptés en même temps. Alors ça, c'est pénible. Non seulement il faut emmener les morts, lorsque les SS passent pour vérifier, il faut les tenir debout pour qu'ils soient comptés, mais il y a ceux qui meurent sur place. Parce qu'il faut dire quand même qu'on est au milieu des morts. Vous vous réveillez un matin, vous avez un camarade qui est mort à côté de vous, en étant des jeunes de mon âge, qui n'avaient vraiment pas vécu avec la mort. Là, on vit vraiment avec la mort. Tous les jours, il y en a qui meurent, et on les traîne par terre, on les prend avec des crochets, on les tire. Enfin, vous voyez, c'est... Donc, tous les déportés sont sur les places d'appel qu'on a vues. Et ça dure combien de temps ? Ah ben, ça dépend. Les SS, ils font tout le tour et ils comptent. Ils recomptent, ils vérifient. Ils se trompent, ou ils se trompent pas, alors ça dépend. C'est ça qui passe du temps. Alors, lorsqu'ils sont terminés, que tout est d'accord, on forme les commandos. Et les commandos viennent sur ici pour partir au travail. À 9h30 le matin, ceux qui travaillaient, mais simplement ceux qui travaillaient, avaient un petit casse-croûte. Il y avait une petite tranche de pain avec des rondelles de saucisson ou de la margarine. Mais ceux, il y en a qui ne pouvaient pas travailler. On les étendait par terre, ils restaient là, couchés, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fait n'importe quoi par terre, et ils n'avaient pas droit au casse-croûte. Bon, quand c'était des punitions, parce que là, c'était surveillé directement, en plus du capot par les SS, moi j'ai vu des SS qui ont mis des pierres sur la poitrine d'un déporté qui était couché. J'en ai vu qui sautaient dessus, j'en ai vu qui ont uriné dessus. Enfin, vous voyez, ça c'est ce que vous découvrez en l'espace de 3-4 jours. Alors, et on rentre donc pour la soupe de midi. Alors là, il y a 1 litre de soupe. Alors la soupe, elle est faite ici dans ce bâtiment-là, où on met des légumes qui ne sont pas toujours certainement de qualité. Les déportés viennent les chercher, des bouteillons de 50 litres. Alors c'est le chef de baraque ou ses acolytes, parce qu'il a toujours des camarades, ceux qui l'aident. Vous savez, il y a toute une nomenclatura qui se met toujours en place dans des groupes comme ça. Alors si vous arrivez au début du bouteillon, s'ils ne se donnent pas la peine de remuer un petit peu, vous n'avez que l'eau. Et en général, ce qui se passait le plus souvent, c'est que c'est un peu à la tête du client. C'est-à-dire, quand vous vous présentez, vous avez l'eau, et puis il fait mettre les autres de côté, ses copains qui viennent au moment où c'est au fond. Bon. Et vous, dans votre commando, quel rapport vous aviez avec votre chef, vous-même ? Ça dépend qui est chef de chambre. Il y a eu, à un moment donné, il y a eu un Français qui a été chef de chambre. C'est Roger Linet qui a été nommé. Pour nous, c'était un gros avantage au point de vue discipline et au point de vue de la soupe, par exemple. Lui, il remuait. D'abord, s'il ne l'avait pas fait, on aurait dit ce qu'on pensait, entre nous. Hein. Bon, alors, on repart travailler. Et puis, on rentre le soir, de nouveau appel en rentrant. Et quand l'appel est terminé, eh bien, à ce moment-là, on peut rentrer dans les baraques. Et on a le soir une tranche de pain de 350 grammes à peu près, 300-350 grammes, avec un morceau de saucisson ou de la margarine. Vous voyez, des choses... Ouais. Et avec ça... Il y a 12 heures de, pratiquement 12 heures de travail. Et ce que j'aime bien lire aux élèves, c'est le règlement intérieur pour les chiens. Je ne sais pas si vous l'avez vu pour ce camp-là. Non, moi les ça, SS je n'ai pas. Avaient un règlement intérieur qui impose aux SS de donner tant de nombre de calories à leur chien par jour et tant de nombre de protéines pour que le chien reste en bonne santé. Ça leur impose également de nettoyer la gamelle d'eau du chien 2 fois par jour sous peine de sanction. Et également, si le chien est malade, ils doivent immédiatement appeler le vétérinaire pour soigner le chien. Ah oui. Comparé avec le règlement intérieur pour les déportés et la manière dont ils étaient traités. Eh oui. Qui étaient-ils les gardiens de ce camp ? On avait une petite garnison ici, hein, toute petite, qui n'a jamais dépassé les 200 hommes. Ce qui est déjà en soi intéressant. Parce que c'est dire que 200 hommes suffisent pour garder à un moment donné plus de 6000 détenus, ça suppose un mode de fonctionnement bien particulier. Et qui n'ont qu'une seule envie, ces détenus d'ailleurs, de s'échapper et de sortir de ce qui est rapidement devenu un enfer. Donc ça veut dire que ça fonctionne autrement. Et que ces gardiens, en plus n'ayant pas le droit de rentrer dans le camp, mais devant juste garder le périmètre extérieur. Et si on y rajoute le fait que ces gardiens ne sont pas jamais tous là en même moment, parce qu'ils ont aussi des vacances, ils sont aussi mutés sans arrêt d'un camp à un autre. Globalement, la garnison n'a jamais dépassé véritablement les 100-150 hommes en présence permanente ici. Mais ça fonctionne par la délégation de pouvoir, puisque le gardien de base ne rentre pas dans le camp. Mais pourquoi ce gardien de base ne rentre pas dans le camp ? C'est un système extraordinairement pervers. C'est-à-dire qu'on confie un pouvoir à l'intérieur du camp, on confie un pouvoir à un détenu, qu'on va choisir, qu'on va sélectionner dans une catégorie au départ bien particulière, qui est celle des droits communs, et lui donner une autorité. C'est-à-dire que le commandant du camp délègue une partie de son pouvoir, si j'ose dire, au doyen du camp, donc qui est un détenu, qui est le responsable de l'ensemble des détenus. Bon, ensuite, lui-même a des adjoints. Dans chaque bloc, il y a un détenu, en plus d'un SS qui est responsable du bloc, mais il y a un détenu qui est responsable du bloc. Dans chaque chambrée, il y a un détenu qui est responsable de la chambrée. Et dans chaque commando de travail, c'est-à-dire à l'extérieur ou à l'intérieur, un SS peut être responsable, mais un détenu, le capot, est responsable également. Or, ce détenu, à partir du moment où on lui a donné un pouvoir, souhaite le garder. Parce qu'il a des privilèges avec parce qu'il pouvoir. Parce qu'il obtient un certain nombre de privilèges en compensation, par exemple le droit d'avoir des meilleures conditions de logement, une meilleure alimentation, également, et pourquoi pas le dire, le droit d'avoir ses petits favoris, qui peuvent être des favoris sexuels, ça existait aussi. Tout ça, ça joue. Donc, si on veut le garder, il faut être efficace. Donc là, on est descendu tout en bas de ce qui reste du site. De ce qu'était le camp où nous habitions. Et là, on se trouve dans un endroit entouré de miradors. Et donc, entre ces miradors se trouvaient les différentes séries de barbelés qui clôturaient cet espace de vie des déportés ici. Oui, oui. Alors, il y a deux rangées de barbelés, de la rangée intérieure électrifiée à 380 volts. Et puis, c'est un chemin de ronde entre les deux, où les SS pouvaient passer et se promener. Ici, on a une petite porte dans le barbelé par laquelle on pouvait passer pour aller notamment vers la chambre à gaz ou vers le chemin qui descend à Roto. C'est vraiment des périodes où on demande comment le corps, comment l'homme peut tenir. Le président s'adressant à Hagen. Hagen, approchez-vous du micro. Avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense ? 1952, Frédéric Potcher, au procès des médecins du Struthof. Et Hagen parle en allemand et dit, traduction, Monsieur le Président, je crois que vous n'avez pas eu de moi-même, de ma personne, une image exacte. J'ai toujours eu l'habitude de prendre l'entière responsabilité de mes actes. Ce qui m'est reproché a été réalisé par d'autres chercheurs dans le monde entier. En ce qui concerne le caractère des travaux auxquels je me suis livré, ma conscience n'a rien à me reprocher. Je regrette néanmoins de tout mon cœur d'avoir été conduit à le faire dans un camp de concentration. Je vous prie de ne pas oublier que c'était la guerre, que je n'avais pas le choix. Je regrette en outre que de mon fait, des hommes aient eu à souffrir. Je voudrais répéter une fois de plus qu'il n'y a eu aucun décès. Je me trouvais dans l'absolue conviction que je ne menaçais pas la vie des hommes. Monsieur le Président, je vous ai dit l'expression entière de la vérité, que Dieu me vienne en aide. À 1h15 du matin, après une demi-heure seulement de délibération, le tribunal militaire de Metz rend son verdict dans l'affaire des médecins allemands du Struthof. Bickenbach est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Hagen est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Hirt est condamné à mort. Donc il y a une chambre à gaz qui est construite, mais tardivement. La chambre à gaz, elle est construite en 1943, donc elle n'existe pas du tout à l'origine du camp, qui n'est pas un camp à but exterminatoire. Frédéric Naudufour. Elle est construite à la demande d'un des professeurs nazis qui exerce la médecine à Strasbourg, à la Rijksuniversiteit, et qui est responsable même directeur de l'Institut d'anatomie de cette université, donc quelqu'un d'important. Et en même temps, comme deux de ses collègues, il travaille au Struthof. Quelques jours dans la semaine, parce que naturellement, comme dans d'autres camps, il bénéficie d'un matériau humain direct. Et ce docteur August Hirt était tout à fait convaincu par les thèses nazies, notamment racistes, et il aurait décidé de constituer une collection de crânes ou de squelettes juifs. Et afin de bénéficier de ses crânes et de ses corps en bon état pour les assassiner, il a souhaité disposer d'une chambre à gaz. Donc c'est sur ce motif pseudo-scientifique, qu'en 1943, il obtient la construction d'une chambre à gaz, qui est assez simple. Hein, c'est un petit réduit qui est installé dans une des annexes de l'auberge du Struthof. Et c'est là qu'il va pouvoir faire son expérience. Donc, il passe commande de 86 juifs à Auschwitz. Des hommes, des femmes venus de toute l'Europe. Et ils sont acheminés vivants ici au Struthof. Ils sont placés dans une baraque. Et au bout de quelques temps, ils sont assassinés en trois groupes à la fin du mois d'août 1943 pour cette expérience. Et finalement, August Hirt ne va rien faire de ces cadavres qui vont rester dans des cuves situées dans les caves de l'Institut d'anatomie de Strasbourg. Il n'aura pas le temps de les détruire. Il en avait eu l'autorisation lorsque les Alliés approchaient. Hein. Himmler lui avait donné l'autorisation de les faire disparaître. Il a commencé à les découper, à effacer les tatouages, à retirer les choses probantes. Il n'a pas eu le temps d'achever le travail. Et donc les Alliés, quand ils entrent dans Strasbourg, découvrent dans les caves cet amas de corps, soit entiers, soit en morceaux, et découvrent ce crime. Et de manière étonnante, il va falloir pas mal de temps avant que des historiens se préoccupent de ces 86 juifs qui ont pourtant été enterrés à la Libération, qui ont leur place au cimetière de Cronenbourg début des années 50. Et un historien allemand va essayer de mettre des noms sur ces numéros, parce qu'on avait les numéros qui avaient été listés par un des assistants de Hirt, et donc leur redonner leur identité. Et ce sont les seuls juifs à avoir été internés dans ce camp de Neuweiler-Struthof. Oui, moi j'en ai connu quelques-uns quand même, qui étaient dans la résistance, et même qui étaient juifs, mais qui ne s'étaient pas déclarés juifs. Natzweiler est un camp de concentration, mais un camp de concentration avec une chambre à gaz. Robert Stegmann. Natzweiler est un résumé. Hein. En un seul lieu, on a toute l'histoire concentrationnaire, et à la limite, on a même toute l'histoire du nazisme résumé dans un seul lieu. Bon. Strasbourg, donc l'Alsace est une région annexée, et en 1941, ouvre à Strasbourg une université nazie. Et dans cette université, dans cette faculté de médecine, il y a notamment un professeur de médecine qui est un anatomiste, qui s'appelle August Hirt. August Hirt est un nazi, un pur nazi, membre du parti, membre de la SS. Il fait partie du cercle très rapproché de Himmler. C'est un anatomiste, très axé sur la recherche sur les races humaines. Il y a cette question-là qui intéresse au plus haut point les nazis. Il arrive à convaincre les services de Himmler et tout ce qui entoure Himmler qu'il faudrait constituer une collection anatomique. Collection anatomique du juif. Qu'est-ce que c'est que le juif ? Pour garder une trace, globalement. Parce que c'est ça l'idée. On est à ce moment-là déjà dans une logique à partir de 1942 qui est une logique exterminatrice. Bon. Il s'agit d'éradiquer l'Europe entière, si possible le monde entier, du juif. Il faut qu'il n'y en ait plus. Mais si on pouvait en garder une trace, pour montrer un jour aux générations futures, voilà ce dont nous vous avons débarrassé. Et pour moi, c'était terriblement important. Pour moi, c'est le résumé de tout ce qui s'est fait ailleurs. Ailleurs, c'était à la limite, on extermine la masse. Mais là, on garde juste la preuve qu'on avait raison. Ce camp, en plus d'être un camp de concentration, a également été désigné comme lieu d'exécution pour un certain nombre de résistants. C'est-à-dire qu'ils étaient envoyés là, non pas pour y être enregistrés comme déportés, mais juste pour y être assassinés. Et ça a couru pendant toute la période du camp. Les exécutions avaient lieu soit dans la sablière, qui est située au-dessus du camp, soit dans la baraque crématoire, dans une pièce qui est près du four, ou même parfois dans la morgue. Ça a été le cas de jeunes Alsaciens du village de Ballersdorf qui avaient refusé l'incorporation de force et qui se sont fait assassiner ici. Ça a été le cas de 4 femmes qui étaient des membres du SOE, les services secrets britanniques qui parachutaient des agents en France. Ça a été le cas aussi de 106 membres du réseau Alliance et de 35 membres du groupe mobile Alsace-Vosges qui ont été assassinés ici dans la nuit du 1er au 2 septembre 1944 d'une balle dans la nuque et ensuite brûlés dans le crématoire. Un des responsables des Français, un nommé Roger Linet, il est venu vers moi pour savoir qui on était, comment on arrivait, pourquoi on avait été arrêté. J'ai parlé un moment avec Pierre Roulinet. Puis il m'a dit, oui, c'est vrai, vous êtes protestant. Ben oui, il dit, oui, on est un groupe protestant. Ah ben, il dit, ça m'intéresse, parce que les protestants, vous n'êtes pas catholique, vous n'êtes pas communiste. Ça m'intéresse, parce que on a organisé ici un problème de solidarité, c'est-à-dire qu'on fait une collecte vers tous les déportés français qui étaient dans le bâtiment, tous les soirs, sur sa ration, le déporté enlève la grosseur d'un ongle, et ça, c'est ramassé. C'est mis en commun. Et toutes les semaines, il y a un petit comité qui se réunit et qui dit « on va aider quelques déportés qui passent une mauvaise période » et qui auraient peut-être des chances de s'en sortir. Ceux qui étaient affaiblis, mais qu'on pouvait encore sauver. Voilà, qu'on pouvait encore sauver. Alors, naturellement, c'est très difficile, parce qu'il faut essayer de ne pas faire de favoritisme. Alors, il dit, lui, il était communiste, mais il dit, on ne peut pas aider que les communistes. Alors, les protestants, vous êtes un peu en dehors, donc est-ce que tu veux t'en occuper? Moi, j'ai dit oui. Et puis, à ce moment-là, j'ai participé. On m'a mis chef de table, et puis là, le chef de table, c'était toujours entre nous qu'on se nommait. Bon, j'étais chef de table, et je levais le pain, et puis après, je l'envoyais. Et il y avait des réunions pour décider qui profiterait. Alors, je ne vous cache pas que c'est excessivement difficile de choisir. Parce que si vous choisissez une personne qui va mourir 3 jours après, tout le monde s'est sacrifié pour rien. Hein ? Je sais qu'au point de vue moral, ça fait du bien, mais ce n'est pas suffisant. Alors, moi, j'en ai profité. Quand ils ont vu dans l'état que j'étais, alors pendant 2 semaines et demie, presque 3 semaines, ça m'a triplé ma ration de pain. Et ça m'a permis de me relever. Alors, non seulement il y a l'apport matériel qui vous fait du bien, parce que, vous savez, on était vraiment à des tangentes. Je suis certain qu'on aurait eu peut-être chacun 2 sucres par jour. Il y a quand même des portées qui seraient peut-être rentrées. On était juste à des limites. Hein. Alors, ça m'a permis de rentrer, mais quand je me disais que les copains se sont sacrifiés pour moi, j'ai plus le droit de me laisser aller. Et ça m'a fait, au point de vue psychique, au point de vue moral, je suis reparti. Puis c'est pour ça que je suis ici, encore aujourd'hui. Ce camp de Natzweiler sera dirigé par un certain Kramer, voilà, que vous estimez être aussi une figure emblématique, ou en tout cas une forme de modèle dans l'histoire de la gouvernance des camps de concentration. On a besoin d'un homme qui est parfaitement capable de renforcer la discipline, de pratiquer ce qu'on attend de lui, hein, c'est-à-dire globalement les gazages. Ces gazages de juifs, les NN qui vont arriver, Kramer est l'homme dont on a besoin. Il y a 86 juifs qui ont été gazés. Sur 4 jours, 4 nuits, oui, sur 4 nuits. Mais c'est Kramer qui les a faits. C'est Kramer, sur ordre de Hirt, qui a procédé lui-même à ces gazages sans aucun état d'âme. Il a témoigné là-dessus, il le dira d'ailleurs assez froidement, qu'il l'a fait parce qu'on lui a donné des ordres. Et la dernière phrase de son témoignage, c'est l'unique témoignage qu'on ait de lui en français. « J'ai d'ailleurs été élevé comme ça. » Il a obéi. Voilà, hein. C'est ça le personnage fascinant, qui considère que c'est un lieu dans lequel il va vivre, il va travailler, donc il a besoin d'un certain nombre de choses. Il est normal que dans le système concentrationnaire, il y ait une bibliothèque. Donc sous Kramer, il y aura une bibliothèque, il y aura une salle de cinéma. Il y a un commando spécial qui s'appelle le commando Gärtnerei. Il y a des sincères commandos jardiniers. Il faut des espaces verts dans le camp, parce que c'est un lieu de vie. Tout ça est nécessaire. Le même Kramer qui habite juste à côté du camp dans une villa qui existait déjà avant et qui le matin monte à son travail, le soir revient de son travail, vit avec sa femme et ses enfants, reçoit ses amis au bord de sa piscine. On est à 50 mètres du camp. Et ensuite, il est muté. Il est muté en avril-mai 1944 parce qu'on a besoin de lui ailleurs. On a besoin de lui à Birkenau. C'est le moment où arrivent les Juifs hongrois. Il y en a 500 000, il faut les gazer. On a besoin de quelqu'un parfaitement capable de le faire. Kramer le fait. Et ensuite, il demande sa mutation pour Bergen-Belsen. Il l'obtient. Bon, c'est assez impressionnant. Bon, au début, il a un parcours très simple. Hein. Bon, il est vaguement fait des études de comptabilité, mais très vague. Il se retrouve au chômage en 1931. Je le dis très simplement, il voit de la lumière, il rentre. Et il adhère à ce moment-là au système. Et sa femme le dit. À partir de ce moment-là, il s'est vraiment senti un homme. Parce qu'il a été jugé et sa femme a témoigné également ? Non, sa femme a ensuite écrit des lettres. Bon, lui a été jugé, mais il n'a été jugé que pour, hélas, que pour Bergen-Belsen. Et il n'a jamais été jugé pour le Struthof. En définitive, moi je suis là parce que le camp a été évacué au mois de septembre, mais j'aurais pas tenu un hiver, à moins d'être dans un meilleur commando, j'en sais rien. Vous êtes évacué au mois de septembre, mais on vous dirige vers d'autres camps, parce que les Alliés avancent, oui, mais... et les Allemands évacuent ce camp-là pour... Exactement. Et au moment où on est évacué, le décret NN est abrogé. On est arrivé à Dachau avec des NN, et puis ça ne nous a pas suivis. Donc on s'est trouvé quand même mélangé avec tous les autres déportés. Vous aviez le même régime que les autres, à partir du moment où régime, votre statut de Nartounneben n'existait plus. Cette surveillance perpétuelle, ce regard qu'il y avait sur nous, ça on ne l'avait plus. Et c'était une période où en Allemagne, pratiquement il n'y avait plus d'hommes. Tous les hommes, depuis 16 à 60 ans, étaient mobilisés. Comme j'étais dessinateur industriel de profession, j'ai été dirigé sur l'usine BMW un camp à Halak, à 14 km de Dachau. Tous ceux qui avaient des professions techniques, on a travaillé dans les usines, et c'est plus du tout pareil. Parce que quand vous êtes à l'abri toute la journée, et puis les usines, ça n'a pas été difficile, il y avait les heures de travail, mais naturellement, on était quand même sous la surveillance des SS, et la vie de camp, c'était la même, la discipline, c'était la même, la nourriture, c'était la même, mais on avait des occasions qui étaient différentes. Et là, je n'ai pas regretté de ce que l'interprète, là, parce que quand j'ai été arrêté, je m'appelais Monsieur Georges. Dénoncé sans le vouloir tout à fait, ça reste peu clair. Bon, oui. Alors. Et après, j'ai fait toute ma déportation sous mon nom, et puis ma profession, parce que ce n'est pas moi qui l'ai redonné, c'est l'interprète qui a redonné. Il a rempli les cases. Mais autrement, j'aurais été considéré comme étudiant, comme beaucoup de mes camarades. Je serais peut-être allé creuser dans un tunnel ou je serais peut-être allé ailleurs. Je n'aurais peut-être pas eu la place que j'ai eue. Alors, je me dis qu'en définitive, il m'a peut-être sauvé la vie. En septembre 1944, les nazis prennent la décision d'évacuer le camp de Natzweiler-Struthof. Tous les déportés sont évacués vers Dachau, qui était le camp avec lequel on avait le plus de relations, et vers les camps annexes de Natzweiler, qui était essentiellement outre-Rhin, dans la vallée du Neckar, près de Stuttgart, à Tübingen, dans cette région-là. Ces déportés, eux, vont continuer leur périple concentrationnaire jusqu'au bout, jusqu'en mars-avril 1945. Ils vont mourir pour beaucoup. Et ce qui est également incroyable, c'est que ce camp va continuer, son administration va se transférer outre-Rhin et va enregistrer encore 20 000 déportés sous le titre de Natzweiler. Donc on a 20 000 nouveaux Natzweiler à partir de novembre 1944, alors même que le camp souche est fermé, ce qui est un cas unique. Et ils vont créer d'autres camps annexes encore. Donc le système, ils ont beau être acculés quasiment à la défaite, ils y croient jusqu'au bout et ils continuent à faire travailler ces gens-là. Oui, on n'est pas du tout dans une perspective de la défaite. Pas du tout. À ce moment-là, c'est une défaite temporaire. C'est une défaite, c'est même pas une défaite, c'est un repli stratégique temporaire, tant et si bien que dans l'ordre d'évacuation qui est signé par le commandant du camp en septembre 1944, il précise que tout doit être laissé bien en ordre, parce que ce qui signifie qu'il compte revenir. Et donc, aucune des installations n'a été détruite, ni le four crématoire, ni la chambre à gaz, contrairement à ce qui s'est passé sur le front oriental. Donc on a un camp intact. Quand les Américains arrivent le 25 novembre 1944, tout est en l'état. Les baraques, les installations de mise à mort, mais aussi les tas de cheveux, les habits. La seule différence, c'est qu'il n'y a aucun homme, ni vivant ni mort. Il n'y a pas de cadavre. Et donc, il n'existe pas le choc psychologique qu'on a pu avoir dans d'autres camps, comme à Ordruf, comme à Bergen-Belsen, où on a charrié des tas de cadavres. Donc là, on devine ce qui s'est passé, mais on n'a pas encore vraiment de signes tangibles du massacre qui a eu lieu. On les garde parce qu'on pense que c'est encore possible et qu'on peut encore renverser le cours des choses. Et c'est là que commence un deuxième calvaire pour les détenus, qui est celui des marches de la mort. Ça, c'est terrifiant, parce qu'on les pousse vers le sud, mais en visant à en garder le maximum possible. On n'est plus des gens normaux. Il faut un certain temps pour rentrer dans la vie. Je suis resté, moi, un an sans travailler. Parce que physiquement, j'étais vraiment touché. Après votre libération ? Après la libération, je suis resté un an, j'ai repris mon travail après. Et même trois mois après être rentré, je me suis marié, donc au bout d'un an. Je me suis marié parce que j'avais besoin aussi de revivre, de rentrer dans la vie normale. Et comment vous avez vécu financièrement pendant cette année où vous n'avez pas travaillé ? Ça, c'est mes parents qui se sont occupés de moi. J'étais donc célibataire et mes parents m'ont pris en charge parce qu'on n'était pas pris. Non, j'ai fait une erreur. J'aurais dû rentrer à l'usine deux semaines et puis me mettre aux assurances. Bon, mais je ne l'ai pas fait, voilà. Bon, j'ai essayé donc de me sortir psychiquement de cette ambiance de camp, de penser à autre chose, de revivre différemment. Et j'ai le cas de mon responsable, moi, qui m'avait donné ma fausse carte. C'était un pasteur. Celui qui vous avait recruté dans la Résistance. Qui m'avait recruté dans la Résistance, que je connaissais très bien, et qui est rentré. Et il a commencé à faire des conférences. C'est que lui, il ne s'est jamais arrêté. Il ne s'est pas arrêté, il est resté dans l'esprit qui éveille. Il racontait tous les deux, trois jours, il faisait des conférences. Et au bout d'un an, il s'est suicidé. Il s'appelait comment ? Bugenschütz. Parce que, oh oui, on peut le dire, tout le monde le sait. Hein. Ça a fait assez mal. Hein. Le pasteur Bugenschütz, oui. Quel âge il pouvait avoir ? Oh, 30 et des années. 30, peut-être 32, 33 ans. Ouais. Et la dernière fois que je l'avais vu, il m'a dit : « Je n'ai plus confiance en l'homme. » Merci à Pierre Rollinet, Frédéric Naud-Dufour et Robert Stegman. Archivina, Aurélie Marsay. Prise de son, Gilles Gallinaro. Mixage, Claude Niort. Retour au Struthof, Anaïs Quien, Françoise Camard. Semaine consacrée à l'histoire des camps à l'occasion du 70e anniversaire de la libération des camps d'Auschwitz-Birkenau. Et demain, nous parlerons du retour des déportés et de la question des réparations. Sachez également que nos amis de Sur les Docks, à 17h ce soir, poursuivent eux aussi cette même série d'émissions avec un documentaire signé Dominique Prusac et François Test sur la question de la conservation des camps de la mort. Auschwitz-Birkenau, comment conserver les camps de la mort ?